franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Fernande et Pablo. Mademoiselle, j'aimerais peindre votre portrait. Voudriez-vous poser pour moi ? Comment ne pas dire oui ? Ses yeux noirs, rieurs, intenses, sa bouche, sensuelle, cette énergie qui se dégage de tout son être, et cette passion qui affirme que vous êtes la première, la seule femme, l'unique amour, l'égérie, la muse. Comment aurait-elle pu résister à Pablo Picasso ? Elle s'appelait Olga Koklova, Eva Gouel, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gillot, Jacqueline Rock, celles qui, entre beaucoup d'autres, inspirèrent le célèbre peintre et parfois partagèrent sa vie. Mais bien avant elle, il y eut Fernande, la belle Fernande, un prénom comme on n'en fait plus, qui sent bon les années 1900. Celui qui deviendra, dit-on, le plus grand artiste du XXe siècle est alors un peintre pauvre, inconnu. Il ne parle pas un mot de français, cet Espagnol qui vient de débarquer à la butte Montmartre. C'était le temps du bateau Lavoir, le temps de la dèche et des copains, Max Jacob et Guillaume Apollinaire. C'est à travers les yeux de Fernande, de beaux yeux en amande, que je vais raconter cette histoire. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Frédéric Fernet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et critique littéraire et l'auteur, l'année dernière, aux éditions Rabelais, d'un joli livre, Picasso amoureux, et puis plus récemment, Le Rodin amoureux. Alors pourquoi parler de la vie amoureuse de ces artistes ? Ils se ressemblent tous les deux, ce sont des ogres. Toutes ces femmes, ce sont moins des muses que des proies. Picasso disait « Je mets dans ma peinture tout ce que j'aime, tant pis pour les choses, elles n'ont qu'à se débrouiller entre elles. » Les femmes sont des choses. Il en fait des choses. Beaucoup l'ont aimé, toutes ont été brisées. À part Françoise Gillot, je veux dire, toutes ont quand même beaucoup souffert. Mais voilà, c'est ça, c'est son atelier, c'est la chambre de Barbe Bleue. Mais il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu ce genre de vie, on n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'il se met en scène dans sa peinture, il s'expose, il se farde, et donc on devine dans sa peinture, et par période comme ça, l'ombre furtive ou chiffrée de celle qu'il aime à ce moment-là. Fernande Olivier, on aura l'occasion d'en parler, je veux dire, c'est la muse de la période rose, elle est partout dans sa peinture, dans sa sculpture. Juste après, puisqu'elles vont coexister un petit peu à un moment donné, ça sera compliqué. Oui, il y a souvent des coexistences, plus ou moins pacifiques. Voilà, Eva Gouel, c'est très troublant, Eva Gouel, parce que c'est le début de la période cubiste. Donc l'ombre, pour le coup, est très furtive, très chiffrée, puisque donc il la transforme en guitare, il la transforme en objet, pour le coup. Et il écrit « J'aime Eva »,« Eva ma jolie », enfin, etc. Fernande, elle est très très présente, parce que ça a été véritablement une passion. Quand je dis Barbe Bleue, c'est pas une image. Enfin, il la séquestre littéralement dans sa chambre. Il l'empêche de sortir. Enfin, il est jaloux comme un tigre. Espagnol. Voilà, alors qu'il se prive pas, lui, par ailleurs, de multiplier les aventures. Oui, dans votre introduction, Frédéric Fernet, vous comparez donc Picasso à un ogre, un Barbe Bleue, avec en face une reproduction d'un dessin assez connu de Picasso qui représente le Minotaure violant une femme. Bon, un viol, c'est pas exactement de l'amour, c'est peut-être même tout le contraire, mais enfin, c'est tout Picasso, un programme. Picasso, c'est une alliance entre la volonté de puissance et le principe de plaisir. Et très très vite, il s'est trouvé un emblème. Alors il y aura plus tard le hibou, il se voit sous la forme d'un hibou avec ses yeux comme ça. Mais celui qu'on retrouve de façon récurrente, c'est le Minotaure, c'est le taureau qui littéralement viole une femme endormie Et généralement, il a le sexe érigé comme comme un poignard. Enfin, je veux dire, c'est assez dessiné crûment. Voilà, et c'est un sexe et c'est un pinceau en même temps. Voilà, mais ça va au-delà de quand il peindra Guernica, on retrouvera l'emblème du taureau, de la force brutale. Enfin, c'est très ambivalent chez Picasso. Avant de raconter la vie de Fernand et sa rencontre avec Picasso, pourriez-vous nous rappeler, Frédéric Fernet, l'histoire justement de Picasso avant cette rencontre de 1904 Alors, quand il arrive en... Il est né en 1881 voilà, à Malaga. Il arrive à Paris en 1900 avec son copain Casagemas qui va très mal finir, donc qui va se suicider, qui sera amoureux d'une Germaine, avec lequel d'ailleurs Picasso aura aussi une histoire, mais bon, on va faire court. Donc ils arrivent, c'est le voilà, Picasso, ils arrivent à la gare d'Orsay comme ça, ils découvrent Paris, ils s'installent d'abord rue Gabriel à Montmartre, puis finalement donc au bateau Lavoir, et là, bon, bah, c'est les années de Bohème, les années de Dèche, et c'est là donc qu'il va évidemment rencontrer Fernand d'Olivier. Il n'est pas totalement inconnu, enfin si, à Paris, il est totalement inconnu. En plus, il ne parle pas un mot de français. Un de ses tableaux a été choisi pour l'exposition universelle. Il a fait une vague exposition dans un cabaret marginal d'avant-garde de Barcelone qui s'appelle les Quatre Chats, les Quatre Gats. Ouais. Donc, il est repéré puisqu'il a déjà peint des tableaux d'ailleurs totalement académiques. Il aurait pu faire une grande carrière de peintre académique. Il est dans cette période un peu intermédiaire. Enfin, ça va être entre le bleu et le rose. C'est-à-dire que la période bleue, c'est la période très, très sombre, très morbide, très obsessionnelle, très, très pasticheuse de choses plus anciennes comme Toulouse-Lautrec ou Degas. Et c'est véritablement à Paris qu'il va trouver son ton, son style. Il va visiter les musées, il visite l'exposition au pavillon de l'Alma de Rodin, il hante le Louvre. Il veut imiter les maîtres, il veut rivaliser avec les maîtres, il veut en découdre. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours su qui il voulait être, qui il était au fond. Hein. C'est pas quelqu'un qui devient célèbre par hasard. Il sait quelle est sa place et il veut la prendre. En Frédéric Fernet, nous reprendrons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Fernand et Pablo, un texte de Julie Birman, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Si je superpose trois paires de chaussettes et que je bourre le fond avec du coton, ça va aller. Oui, j'arrive à marcher avec ces grandes bottes. Quand il part à l'usine, mon mari me confisque toujours mes chaussures. Il craint que je sorte et que je ne revienne plus. La dernière fois, j'ai glissé avec mes bas sur du verglas et j'ai fait une fausse couche. La fausse couche, ça, c'était la bonne nouvelle. Et depuis, j'attends. Je mets de côté centime par centime pour avoir de quoi prendre le train pour Paris. Non, non, je ne suis pas une pauvre petite innocente. Ma belle-sœur a un amant. Hélène est vulgaire, mais gentille. Et surtout, elle ne se laisse pas enfermer dans une vie étriquée. Un après-midi, elle m'a emmenée avec elle. Elle avait invité un ami pour moi. J'étais gênée, mais Hélène m'a embrassée et ça m'a réveillée. Je me suis souvenue que je n'étais pas faite pour Fontenay-aux-Roses, pas faite pour être l'esclave sexuelle d'un demi-fou. Quand il m'a eue la première fois, Paul a claironné à toute la famille 17 fois en une nuit. La veille, je ne connaissais rien des hommes. Je pleurais. J'ai voulu que ma tante vienne me chercher et que la vie reprenne comme avant. Mais pas question. Ma tante a été inflexible. Et il a fallu que je l'épouse. Pourtant, j'ai supplié. Moi, la fière. Je me suis mise à genoux. On s'est mariés. Bon, j'ai tout. Mon livret de famille, mon certificat d'études et 2 francs 50. Ça va bien se passer. Et tous ces gens qui ne remarquent pas mes bottes trop grandes. 1903. Paris est une fête, mais pas pour tout le monde. Devant le bureau de placement du boulevard Henri IV, où se rend notre héroïne, il y a de nombreuses filles qui font la queue. Celle qui ne s'appelle pas encore Fernande a été élevée par une parente dans une manufacture de plumes et fleurs artificielles. Ses parents, qu'elle ne connaît pas, donnaient une pension les premières années en échange de son éducation. Une enfance terne dans le quartier du Sentier à Paris. Mais dès qu'Amélie, c'est son nom, a ressemblé à une femme, la tante n'a souhaité qu'une chose, s'en débarrasser. Elle a bien essayé de la caser avec son comptable, un vieux garçon maigrichon en ménage avec sa mère handicapée. Pour marquer son opposition, la jeune fille est allée boire un chocolat avec un ouvrier, bien qu'il sente l'eau de Cologne bon marché. Il l'a emmenée au bois, puis dîner, puis dans son appartement. Il y a eu le mariage, les coups. Bonjour. Ça a fini au bureau de placement. Comment vous appelez-vous ? Amélie Lang. Référence ? Certificat d'études. Pas diplôme, référence. Vous avez travaillé où ? Vous savez coudre ? En ourlet encore. Vous savez cuisiner ? La dernière fois, j'ai brûlé un rôti. Non, mais qu'est-ce que vous savez faire ? Oh, lire. Pardon ? Lire des livres. Non, mais vous vous croyez où, mademoiselle ? Et vous n'avez pas une place de préceptrice ? Bon, revenez à 16h, on verra ce qu'on peut faire de vous. D'accord. Elle me prend pour une folle ou peut-être une duchesse. C'est pas grave, je vais bien trouver quelque chose. En attendant l'heure du rendez-vous, la jeune femme arpente le quartier de la Bastille. Elle s'attarde devant une pâtisserie à la vitrine appétissante et plutôt que d'écouter son ventre gargouiller, elle se noie dans la contemplation d'une montagne de brioches. Vous aimez les brioches, mademoiselle ? Je pourrais en manger 5 d'affilée. On parie ? Ouais. Allez, venez, je vous les offre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Excusez-moi, j'avais faim. Je me suis inscrite au bureau de placement juste à côté. Vous, qu'est-ce que vous iriez y faire ? Fille de cuisine ? Bah, vous avez une meilleure idée ? J'ai besoin d'un logement et d'un travail. Vous ne connaissez personne ? Bah si, vous. Eh bien, vous devriez faire modèle. Modèle ? Poser pour des artistes. Mieux ? Mais non, pas forcément. Et puis, vous savez, dans ce milieu, on a l'habitude de la nudité. C'est parfois plus décent que d'être en chemise de nuit. Ce qui compte, c'est d'avoir une nature, un caractère. En un mot, d'être inspirante. Vous avez l'air de vous y connaître. Je suis sculpteur. Sculpteur d'art. Ah oui ? Attendez, quelle heure est-il ? Il faut que j'y aille. Non, oubliez votre rendez-vous. Je peux vous installer un lit dans mon atelier. En échange, vous poserez pour moi. Habillé, évidemment. Et puis, je vous apporterai des provisions. Ah ! Mais c'est très gentil, ça, comme proposition. Je m'appelle Laurent. Laurent de Bienne. Et vous ? Non. Fernande. Fernande Olivier. C'est ainsi, dans une boulangerie du boulevard Henri IV, par un jour d'hiver 1903, que naît Fernande Olivier. D'instinct, elle fait ce que font tous les modèles, se doter d'un nouveau nom, comme on prend un nouveau départ dans la vie. Dans ce milieu-là, personne ne pose jamais de questions sur l'avant. On vit au présent, loin des normes et des conventions bourgeoises. Une vie libre, sans entrave, mais sans garde-fous. Parce que les Odette, Germaine, René ou Suzanne n'ont pas d'existence à la préfecture. Ce sont des fantômes de chair et de sang, immortalisés sur des toiles d'artistes. Il n'a pas fallu longtemps pour que Fernande et son bienfaiteur deviennent amants. De Bienne est bien gentil, mais sans le sou est plutôt paresseux. Alors Fernande, peu douée pour les soins du ménage, trouve à s'employer ailleurs. Elle se fait engager chez les peintres du boulevard de Clichy, Axilette, Cormont, Henner, McEwan. Ils peignent d'après nature, avec chacun leur marotte. Henner, les rousses, McEwan, les flamandes qui épluchent des légumes, Boldoni, les femmes qui caressent des chatons. Les séances de pause sont longues et fastidieuses, car il ne faut absolument pas bouger quand on travaille pour les peintres pompiers, ceux dont raffole alors la bonne société. Fernande gagne 5 francs la demi-journée et peut s'acheter autant de livres qu'elle désire à 5 centimes pièce chez les bouquinistes. Je suis vannée. Le matin, je pose chez un peintre. L'après-midi, chez un sculpteur. Le soir, pour Laurent. Et la nuit, je suis avec Laurent. Je maigris, mais je gagne 10 francs par jour. Heureusement, le dimanche, je lis. Tu pourrais quand même m'aider à faire le ménage ? Ne me dérange pas, je finis un roman policier. Non, mais je rêve. Et qui ramène de l'argent à la maison ? Et qui t'a dégoté un atelier d'artiste au bateau Lavoir ? Ah, t'es contente hein, qu'on ait déménagé ici près de tes clients ? L'appel, Laurent. Mais je suis un artiste ! Et j'ai besoin d'avoir l'esprit libre dans une maison propre, rangée ! Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me brimes, tu me forces à faire la lessive. Si j'ai pas encore fait mon chef-d'œuvre, c'est uniquement de ta faute. Mais arrête de faire la ménagère et va travailler ! Tu trouves toujours des excuses pour pas t'y mettre. J'arrête pas une seconde. C'est ça. Et quand je pars travailler, tu te remets au lit. Axila, t'étais malade vendredi. Je suis revenue, t'étais couchée avec une petite. Et j'étais avec mon modèle. Sous la couette. Elle a 13 ans, des poux en plus. T'es dégueulasse, Laurent. Mais le pire, c'est que tu la payes avec ce que je gagne. Je pose pendant 6 heures pour que tu puisses t'amuser. Bon, je devrais te quitter, mais j'ai pitié. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser lire. Tu l'as pas volé, celle-là. La bagarre se finit au lit, comme d'habitude. Avec mon mari, c'était pareil. Sauf que Laurent est tendre, dans le fond. Nul, mais gentil. Ils sont bizarres, ces hommes, à être excités à ce point par la violence. Fernande fréquente les peintres bohèmes, les rapins, et pose pour les pompiers. Elle trouve les uns paresseux, les autres appliqués. Elle n'en admire aucun. Pourtant, elle se plaît dans le Montmartre du bateau Lavoir. La butte, en 1900, c'est encore la campagne. Des champs, des moulins, des maraîchers, et même un maréchal ferrant. Y vivent des employés, des filles publiques, au milieu des bohèmes. Dans la rue, on croise la marchande de bottes de cresson frais, le poulbeau, le niaf qui rapetasse les souliers, le bougnat qui vend du charbon, le vendeur de frites qui fait le cornet à deux sous, et le matin, Frédé, le propriétaire du lapin agile, accompagné de son âne, le fidèle Lolo. Il y a aussi au beau jour la bande des Espagnols. Ils se rassemblent sur la place Ravignan, ombragée par quelques marronniers, et discutent pendant des heures sur des chaises en paille, sorties d'on ne sait où. Parmi ces espingouins, il y en a un qui se lève aussitôt qu'il aperçoit Fernande. Mademoiselle. Hé, hey, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Voici des fleurs pour toi. Merci beaucoup. Du trouenne et du lilas. C'est magnifique. Vous les avez cueillis ? Oui, dans les jardins voisins. Je m'appelle Pablo. Et tout ? Tu es très belle. J'étais déjà remarqué à la fontaine, mais tu t'en fous. Désolée, je suis pressée. Bon, mademoiselle. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder sans ciller ? Cette mèche de corbeau qui lui cache presque un œil. Il fait une tête de moins que moi, et puis il est habillé d'une façon incompréhensible. Mi-ouvrier, mi-clochard. Enfin, son bouquet est joli. Et tout hommage est bon à prendre. Ah, sûrement encore un de ces rapins qui ne fait rien de toute la sainte journée. Je me demande bien où se cachent les vrais artistes. Les impérissables. Ces fameux génies. Ils doivent bien nicher quelque part. Pablo Picasso est venu habiter le bateau Lavoir au début de l'année 1904. C'est une ancienne manufacture de pianos, une baraque de planches aux cloisons fines comme du papier à cigarette, transformée en logement pas cher. Elle est peuplée d'artistes, mais y vit aussi un maraîcher qui a son jardin juste en dessous. Il n'y a pas d'eau courante, mais une fontaine au rez-de-chaussée, dans un recoin sombre et qui n'arrête pas de goûter. Chaque fois que Fernande croise le petit Espagnol de 20 ans, il lui fait son regard de braise et trouve toujours un petit cadeau bizarre à lui offrir. Une piécette espagnole, un patin à glace, un éventail en papier et même un pliage en forme de pigeon. Son assistance a quelque chose d'inquiétant. Fernande accepte ses offrandes, mais ne s'arrête jamais plus d'un instant. Jusqu'à ce soir de septembre, où il a fait une chaleur lourde, presque suffocante, toute la journée. Oh, je suis trempée comme une souche. Je grelotte alors qu'on a crevé de chaud toute la journée. Dans 10 mètres, sauvé, je franchis le porche du bateau Lavoir. Hola, Fernande. Oh non, pas lui. Oh, un petit chat. Il est tout mouillé. Oh, ce qu'il est mignon. Viens, on va le sécher. Son regard m'hypnotise. Ma main est dans la sienne et il m'entraîne. Je ne fais attention à rien. Le couloir est sombre, désert. Il y a juste le bruit de la pluie qui tambourine sur les verrières. Je vois, sans le voir, un écriteau sur sa porte. C'est là. Au rendez-vous des poètes. Pablo le retourne avant d'entrer et je lis son autre face. Je suis chez le bistrot. Toutes ces toiles, on dirait autant de moutons autour de leur berger. Cet enfant estropié avec une hotte remplie de fleurs multicolores, des reines marguerites. Ce couple de buveurs d'absinthe, et puis des femmes tristes au corps souple, et surtout ce jeune homme allongé sur son lit de mort, éclairé par une flamme aux allures de vulve, verte, jaune et rouge, comme un Van Gogh. Ce n'est plus de froid que je tremble. Une telle tristesse. Une telle profondeur. Qu'est-ce que tu fais ? Il est fou dehors. Il fait peur à ma souris. Hein ? Oh, une souris blanche. Elle me tient compagnie la nuit quand je peins. Les jours, elle dort dans son tiroir. Bien, bien. Tu me croques pendant que je dors. Oui, et il y a mes dessines qui te dessinent. Fais voir. Tu as l'air malheureux sur ton dessin. C'est le contraire, Fernande. Je veux depuis longtemps vivre ces moments. J'ai peur qu'ils finissent. Et lui, c'est qui ce mort qui semble dormir? Sur le tableau, là? C'est mon ami Casajemas. Il s'est tué pour une femme. D'abord, je n'ai rien senti. Je lui ai même piqué sa chérie. Et puis, sa mort m'a sauté dessus. J'ai peint Casajemas comme ça, dans une nuit. Tu vois, la trace des balles des revolvers sur sa tempe. Et j'ai commencé autre chose. Tout ce que j'avais peint avant, c'était nul. Seulement pour plaire aux bourgeois. Tu vois, là, j'ai commencé ma vraie peinture. Personne n'achète, mais il y a un ami qui m'a aidé. Il s'appelle Max. Et je veux que tu le rencontres. Mais tu vas où? Travailler. Ah, mais tu n'as pas besoin d'aller travailler, toi et ma femme. Fernande est ici? Chut! Il y a son sculpteur qui la cherche. Sicard! Tu vois? Il y a personne. Tu sais pas lire les panneaux? Je suis chez les bistrots. Mais Fernande a commencé le monument d'Alger. Comment Sicard va faire sans elle? Il se débrouille. C'est un artiste, oui ou non? Et moi, je lui dis quoi, Sicard? C'est que je viens de dire de la part de Pablo Picasso. S'il y a un problème, il sait où me trouver. Petit con. Il a fait du café. Les tableaux que Fernande regarde dans l'atelier sont ceux de ce qu'on appelle aujourd'hui la période bleue. Quand Pablo est arrivé à Paris 4 ans plus tôt, en 1900, il s'est mis à copier les tableaux en vogue, ceux de Steinlen, de Lautrec. Il plaît alors à tout le monde. Vollard, le grand marchand, lui a commandé même une exposition de 100 toiles que l'Espagnol a brossée en un mois. Du travail à la chaîne ou presque, et un succès à la clé. Puis, Casajemas se tue et tout bascule. Pablo se remet en question et peint désormais ce qu'il voit, l'envers de la fête. Un monde où les filles publiques attrapent la syphilis et où se côtoient l'absinthe, la faim et la mélancolie. Plus personne ne veut de ces toiles nouvelle manière. L'agent de Picasso l'abandonne, mais il y a Max. Max Jacob, jeune poète de Quimper, tombé fou amoureux de Picasso. Quoi encore ? C'est moi, c'est Max. Ah, Max ! Pablo. Max, il y a des présentes, Fernande. Enchantée, madame. Enchantée. Madame, on m'appelle Maxime Fébur et je suis un amateur d'art. Je vais dans les galeries les plus chics de la rue Lafitte. Chez Bernheim Jeune, chez Durand-Ruel, avec ma perruque et mon huit reflets. Et je déclare que je cherche des toiles du plus grand génie que la Terre ait produite ces derniers temps. Vous savez, l'Espagnol, au regard noir et à la mèche de G. Quoi? Vous ne savez pas de qui je veux parler? Enfin, comment pouvez-vous ignorer Pablo Picasso? Et c'est comme ça qu'on a soi une réputation, voyez-vous. Bon, je vous ai ramené des brocolis, des patates. Merci. Parce que j'ai quand même réussi à fourguer deux dessins à souliers, 50 centimes pièce. Oh là! Chez Berdyle, il trône en vitrine avec des pinces à linge. Ah, et tiens, Sago m'a passé en bonus des pilules antidiabétiques. Comme tu vois, Fernande, Max n'est pas seulement mon sauveur. Mon professeur de français, c'est aussi mon agent. Il a des méthodes très modernes. D'abord, boire des coups avec Eugène Soulier, un ivrogne, pour lui refiler mes œuvres. Soulier les expose parmi ses cadres d'élite rue des Martyrs, car il fait aussi le brocanteur. C'est en face du cirque Medrano. Le père Sago, lui, tient une ancienne pharmacie rue Lafitte et prend mes tableaux en dépôt. Un type rétor. Il te refile ses stocks des biomédicaments périmés et sourit de toutes ses dents. Il a une barbichette et un chapeau trop petit. Et quant à Bert Weil, c'est une bobe très radine, mais je lui ai fait peur avec un revolver une fois. Et maintenant, elle me paye les dessins avec des billets cachés dans ses chaussettes. Comme tu vois, une vraie usine à gaz. Et ça va être plus facile pour toi, Max. Je vais changer ma peinture. Il va y avoir du rose partout. Eh bien, longue vie aux amoureux. Ah, zut! Et j'ai oublié mes tarots. Je vous les tirerai la prochaine fois. Amusez-vous bien. Tu restes pas déjeuner? Non. Alors, reviens ce soir. On fera la bamboche en l'honneur de Fernande. Il est drôle. Il m'a sauvé la vie, tu sais. Pour que j'ai continué ma peinture, il a pris un travail dans un magasin. À Paris, France. Il rangeait des objets dans les rayons. Je travaillais la nuit, lui les jours. On dormait dans les mêmes lits, à tour de rôle. On mangeait ensemble des saucisses pourries et il m'apprenait la poésie. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. J'ai des jeunes toujours d'air, des rocs, des charbons de fer. Rimbaud, ça t'impressionne, hein, n'est-ce pas? Complètement. Et tu sais, Max est lui aussi un grand poète. Même s'il n'ose montrer ses poèmes à personne, sauf à moi. La Toria, sautez dans sa rapapapa, trompette et basse, entonnez les ritournelles, ronflez tambour en avant la face tourelle. La Toria, good morning, sir. Allez, Max. À vous, charmante dindonnette. Vous vous dites, ça y est, Fernande est heureuse, elle a rencontré un homme qu'il aime, inspiré, travailleur, un bras macho, mais on s'y fait, et puis c'était une autre époque. Eh bien, ce serait trop simple, car après l'été vient l'hiver, et au bateau lavoir, si on n'a pas de charbon pour alimenter le poêle godin, le thé gèle dans les tasses. Et puis les commerçants du quartier sont bien aimables, mais au bout de 6 mois de patience, ils refusent de faire crédit. Les tableaux de Picasso ne trouvent toujours pas preneur. Alors, Fernande grelotte, et elle se lasse du vin rouge qui pique, des éternelles sardines à l'huile mangées à même le papier journal, de la soupe au brocoli et des nuits blanches de Pablo qui peint sans relâche. Il faut dire aussi que l'espagnol ne se lave pas très souvent et que l'atelier est constellé de tubes de gouache écrasée et de mégots. C'est moi. T'as rapporté du charbon? Les bougnats n'étaient pas là. Mais j'ai réussi à avoir des yeux chez la crémière. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fernande? Tu as l'air furieuse. Mais je suis furieuse! Tu m'avais enfermée à clé! À clé? Bah, c'est pas si grave, non? Tu passes la journée au lit. Mais c'est parce que je meurs de froid! Et si je sors pas, c'est parce que j'ai pas de chaussures sur mes tables! Heureusement, le soir, personne ne voit les trous! Alors, il t'emmène au restaurant? Chez Vernin? Parce que lui, il fait toujours crédit? Et non merci, Pablo. Tu sais quoi? Je vais m'en aller quelque temps. Je vais chez une amie. Dis-moi de quoi tu as besoin? Je te donne ce que tu veux. Et j'ai besoin de tout! De trucs aussi fous qu'un chapeau! Un chapeau? Mais des chapeaux, je t'en offre autant que tu veux! Bientôt! J'ai besoin d'air aussi. Fernande quitte donc Pablo Picasso en cet hiver 1905. Elle travaille, lit, a quelques histoires amoureuses qui la déçoivent toutes. Dans la rue Ravignan, elle croise parfois Max Jacob, qui lui paraît amaigri, triste. Elle reprend sa carrière de modèle et s'installe à deux pas du bateau lavoir chez Benedetta, une très belle italienne, un modèle réputé, emménage avec un peintre au talent limité, Riccardo Canals. T'es en retard, Fernanda. Excusez-moi, j'étais chez Max, il m'a tiré les tarots. Tiens, voilà ta mantille. Approche, je vais t'arranger le peigne. Vous êtes prêtes, les filles? Ah, voilà, oui, oui. Voilà. Appuyée sur un manche à balai et déguisée en espagnol traditionnel, Fernande et Benedetta figurent deux spectatrices d'une corrida accoudées au balcon des arènes. À la palette, l'époux de Benedetta, Riccardo Canals. Il paraît que Pablo a un nouvel ami, un poète mal aimé, et qu'ils passent leur soirée ensemble au cirque. Et aussi que je vais être enfin amoureuse. Ne bougez plus les filles, je vais rater votre coiffure. Ricardo! Ricardo! Bueno, no pasa. Es que pasa. C'est vrai que tu fais poser Fernande? Et alors? Je peux te voir? Monte! Hola. Hola. Voilà ce qu'on fait. Ça s'appelle à la corrida. Tu l'auras deviné. Que? C'est si mauvais que ça? Bien dehors. Un momento. Comment tu peux me faire ça, Ricardo? Faire poser ma femme sans mon autorisation. Ta femme? Fernanda l'a déjà posé pour des centaines de tableaux. Et elle t'a quitté, Pablo. Je ne veux plus qu'elle soit modèle. Je veux qu'elle soit dans mes tableaux et dans aucun autre. Et surtout pas avec la mantilla. Très bien, Pablo, mais... Alors tu vas brûler cette toile. Hein? Mais tu es malade. C'est une commande qu'on m'a passée. Et les clients, ils payent bien. Combien écoute? Je te l'achète. Cher. Je te l'échange, alors. Mais c'est juste des spectatrices et des corridas, Pablo. Tu vas me rendre fou, Ricardo. On va quand même pas se battre. Non? Non, alors je sais. Tu me prêtes Benedetta. Mais qu'est-ce que tu veux dire, je te la prête? Elle pose pour moi. Et après, je t'offre le tableau. Mais... Elle commence demain à 5h du soir. J'en ai pour 3 jours. Pourquoi tu me donnes ce rasoir? Pour signer notre pacte. Tu es un grand malade, Pablo. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais pourquoi tu as fait ça? C'est horrible. On dirait un ver de terre. Pablo m'a forcé. Il a fait la même chose avec la sienne. Mon Dieu, cette belle moustache que tu avais. Il fallait la raser pour sceller le pacte. Un pacte? Quel pacte? Tu dois poser pour lui comme Fernanda a posé pour moi. Je t'en prie, ne discute pas. D'accord. Mais tant qu'elle n'aura pas repoussé ta moustache, ne t'avise pas de m'embrasser. Non. Oh. Dès le lendemain, Pablo entame son portrait de Benedetta. Elle pose comme chez Canals, avec l'éventail et la mantille. Mais sinon, entre les deux toiles, rien de commun. Picasso peint cette pièce maîtresse de la période rose avec la rage de vaincre du torero dans l'arène. Quand la peinture a à voir avec la démonstration de virilité. Apollinaire vient constater tous les jours l'avancement du tableau. Il y en a marre d'être des mal-aimés. Tu vas la reconquérir par ton art. Et pour être sûr et certain de regagner le cœur de Fernande, j'ai le truc infaillible. Bah, dis-moi. Un petit adjuvant, un soupçon de magie. Max m'a déjà fait un hôtel, mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Fais voir. Fais bien voir. Voilà, c'est ici. Il m'a dit de prendre un vêtement qu'elle a porté. J'ai pris ce corsage, j'ai rajouté une fleur artificielle qu'elle met dans ses cheveux. Et puis, il m'a demandé de dessiner mon désir. Puis, il a glissé les dessins sous les napperons et il a prononcé des paroles kabbalistiques. Et c'est tout. C'est quoi ton dessin? Ah, je ne peux pas te les dire. Ça va, j'ai compris. C'est très bien ce qu'il a fait, Max, mais j'ai mieux. Une décoction du tonnerre. Il suffit que Fernande la sente et elle tombera comme une mouche dans ton escarcelle. Restera juste à la tirer jusqu'ici. C'est extraordinaire. Je tiens ça d'un grimoire du Moyen-Âge découvert dans les Ardennes la fois où... Je te raconterai cette histoire une autre fois. Alors, tu marches? Mais absolument, Guillaume, absolument que je marche. Alors, ça y est, il est fini ton tableau. Déballe-le. Tu as vu comme c'est grand? Picasso peint plus vite que ne repousse la moustache de Ricardo. C'est peut-être une croûte, hein? Ah bah, pour une fois, je ne ressemble pas à un lapin à grandes dents. C'est vrai, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Benedetta est une déesse, d'une douceur, d'une noblesse de maintien et cette pose majestueuse, son cou allongé. C'est donc ainsi que Picasso voit la femme. Quelle ferveur, quelle dévotion dans sa vision. Et c'est ça que j'ai quitté. Pourquoi? Parce que je pouvais pas m'acheter de chapeau neuf. Mais vers où je cours comme ça, comme une folle, avec le cœur qui bat la chamade? Et pourquoi ce tableau me fait un tel effet? Qu'y a-t-il de mieux que d'exister sous le pinceau d'un homme, d'être immortalisé avec un tel égard, sublime? Et évidemment, il est là, sur la place, et il me sourit. Je ne veux pas qu'il me voie pleurer. Hola, Fernande. Tu es pressée? Un peu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il paraît que t'as fait de nouveaux tableaux. Je voudrais bien les voir. Oula, aujourd'hui, ça va être difficile. Hein. Ah bon? Alors demain? Attends un moment. Peut-être vers midi? D'accord. Il me semble beaucoup plus calme. Du coup, j'ai très envie d'aller chez lui. Et s'il est amoureux de quelqu'un d'autre? De Benedetta. À la perspective du rendez-vous avec Fernande, Pablo Picasso, homme respectueux de la magie, s'il en est, exécute les commandements d'Apollinaire à la lettre. Il étale sur le sol de l'atelier, en couches généreuses, les ingrédients de la décoction. D'abord du pétrole, puis de la javel, enfin un litre d'eau de Cologne pour diluer le tout. À peine a-t-il fini que midi sonne à l'église Notre-Dame-des-Briques, alias Saint-Jean de Montmartre. Fernande est ponctuelle. C'est bizarre, il y a une drôle d'odeur. Peut-être du poisson pourri. Ouh, ce parfum, c'est abominable. Tu m'as manqué, Pablo. Ça marche. Ça marche. Ah, mes poètes. Mes amis, Max, Guillaume, merci. Cet hôtel, ces cocktails miraculeux. Quelle joie, quelle folle joie. Et maintenant, il faut qu'il y ait la face marinée. Tout en bas? Oui. Salut. Il a complètement changé. Je ne le reconnais plus. Tu es très pris en ce moment. On se revoit bientôt. Ce soir, on va chez les barons Pijard avec les copains. Remarque, si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. C'est à partir des 5 heures. Impasse des brouillards. D'accord. Peut-être. Le baron Pijard est un des piliers de la butte Montmartre. Il tient le club nautique et apprend à nager aux enfants du quartier sur un tabouret. Il rénove aussi des yaules et derrière son entrepôt, il a installé une fumerie d'opium. En cette année 1905, Picasso, Apollinaire et Max Jacob aiment venir y tâter le bambou. Le soir même, Fernande s'y précipite. C'est au fond, mademoiselle, après les carcasses de bateaux. Pablo est là, allongé sur une natte, et il me sourit. Il tient un petit manche dans la main et devant lui, il y a un petit réchaud à la flamme bleue. Tu veux essayer, Fernande? Une odeur pénétrante, entêtante. J'ai peur. Je fume. C'est âcre. Mauvais. Mais soudain, j'ai l'impression que mon esprit s'élargit. Je quitte terre et je vole. Je vole au-dessus de Montmartre et ça y est, je vois, c'est lui, c'est Pablo, l'homme que j'attendais. Et c'est pour le rencontrer que je me suis échappée avec les bottes trop grandes de mon mari. C'était il y a 5 ans, c'était un autre siècle. Comment ai-je pu être aveugle aussi longtemps? Évidemment qu'il est le plus grand peintre de tous les temps. Il dessine comme Raphaël, en partant du pied et en remontant, d'un seul trait. Il invente la vie. Il n'est en concurrence qu'avec Dieu, si Dieu existe. Je le sens. Je le sais. Jamais Picasso ne préférera la peinture à l'amour. Jamais il ne renoncera au figuratif pour chercher autre chose, un nouveau continent artistique. On vivra toute notre vie à Montmartre. Une vie de bohème, pas toujours facile, mais si heureuse. Parce que chaque jour, ensemble, nous viserons l'absolu. Il m'immortalisera dans la gloire de ma jeunesse et il n'y aura pas d'autres femmes. Et on aura des enfants. Plein. Mais tout ce que je vous dis est vrai. C'est l'évidence de l'opium qui me le révèle. Et quoi? L'invention du cubisme? Que voulez-vous dire? Quoi? Mais quel charabia! Du pur charabia. Fernande et Pablo de Julie Birman avec Ophélie Clavier, Fernande Olivier, Emmanuel Suarez, Pablo Picasso, Aymeric Le Cerf, Paul Debienne, Antoine Sastre, Max Jacob, Julia Dussolier, Benedetta Canals, Aurélien Ouzinski, Ricardo Canals, François Pro, Guillaume Apollinaire et les voix de Valérie Moinet, Jean-Yves Lissonnet et Stéphane Chestac. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Villenfin, Céline Guéribi et Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Fernande Olivier et Pablo Picasso avec mon invité, Frédéric Fernet. Zazie à Saint-Visidozon, Zazie sur son sans-en s'amusait d'un vermison d'Isidore Ison. Quand zut un vent blizzard fusant de son falzard, voici zigzagant dans les airs Zazie et semble les airs l'oiseau des îles épis aux eaux. Survolant chimpanzé, gazelle, lézard, zébu, buse et grizzly d'Asie, l'oiseau des îles épis aux eaux. Pas l'autre zèbre, bonne zig, zazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo. Fondu de argent, scalzo. Jane Birkin, exercice en forme de Z sur France Inter dans Autant n'emporte l'histoire, l'émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Fabre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Pauline Laverdure. Frédéric Fernet, nous venons de quitter Fernande Olivier et Pablo Picasso, follement amoureux, elle, persuadée qu'elle vivra toujours avec lui, qu'elle sera son unique amour, qu'ils auront beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées. L'histoire ne va pas exactement se passer c'est comme ça. C'est vrai qu'il faut lui reconnaître une chose, c'est que bon, elle a rencontré beaucoup de peintres, elle comprend pas tout de la peinture de Picasso, mais elle sent, elle reconnaît sa force et son génie. Elle sait que, voilà, il y a quelque chose. Elle n'est pas idiote, hein. Elle est tout sauf idiote. C'est dit dans la fiction. Elle a son certificat d'études. Elle adore lire. Et comme Picasso, comme je le disais tout à l'heure, l'enferme à clé tellement il est jaloux, elle passe son temps au lit, aussi parce qu'ils n'ont pas assez de charbon pour faire de feu, au lit en train de lire, de bouquiner les bouquins qu'elle achète à 5 centimes. Des romans policiers, mais pas que. Pendant les séances de pause, quand Picasso fait le portrait de Gertrude Stein, rue de Fleurus, il y a eu de nombreuses séances de pause. Picasso ensuite a raconté n'importe quoi en disant qu'il a fait ça en une nuit. C'est pas vrai du tout. Elle en pouvait plus, même si elle adorait le tableau à la fin, disant que c'était le seul tableau qui lui ressemblait vraiment. Mais pendant ces longues séances de pause, Fernand leur lisait les fables de La Fontaine. Donc elle avait véritablement un goût pour la littérature, pour la lecture. D'ailleurs, elle a écrit un livre de souvenirs qui est tout à fait où elle raconte ça, ces années-là, enfin ces années de bohème où elle a été finalement très très heureuse. Comme Picasso, il faut se souvenir que Picasso à l'époque sort d'une période de dépression, donc son ami Casagemas s'est suicidé. Oui. Toute cette période bleue qui est en train de se terminer, parce qu'au fond les années, la période rose, c'est 1904-1910, ça correspond exactement à la période de sa liaison avec Fernand Olivier. Mais juste avant, c'est une période quand même très très très sombre, très noire, et c'est un peu elle qui va l'arracher à la séduction de ces formes misérables, infirmes, ce côté extrêmement sombre, très crépusculaire qu'il y a dans la période bleue. Fernande, elle devient véritablement l'égérie de la bohème rose, de la période rose. Oui, c'est un goût pour la vie retrouvé. Alors, c'est vrai qu'on sera tenté d'habiller, enfin c'est la bohème, c'est toujours un petit peu, il y a toujours une nostalgie, on peint ça avec les couleurs du souvenir. C'est vrai que c'était quand même terrible, il faut se souvenir, ouais. Effectivement, c'est dit hein, dans la fiction. Ils n'ont rien à manger, ils ont froid. La nuit, l'eau gèle, donc ils vont dormir sous les couvertures, enfin c'est quand même épouvantable. Puis c'était un bouge quand même, hein, le bateau Lavoir. Et puis il n'est pas très propre, Picasso, non plus. Ça s'appelle la maison du trappeur, oui. C'est Max Jacob qui rebaptise le bâtiment, le bateau Lavoir. Bah, pas très propre, il y avait de l'eau en bas, il y avait un robinet pour tout le monde, on faisait la queue avec un bro tous les matins, on faisait la gazette, mais il n'y avait pas d'eau, évidemment, d'eau courante, ni de toilette dans les appartements. Enfin, les appartements, c'est trop dire, dans les chambres. Et leur histoire dure combien de temps? Jusqu'en 1910, enfin, ils rencontrent Eva, c'est Eva Gouel qui va supplanter Fernand. Il y a une période un petit peu comme ça... Il ne quitte jamais, il ne dit jamais, il ne rompt pas Picasso, il s'absente, il s'éloigne. Et il y a des périodes où ça coexiste un petit peu. C'est un polygame. Il rencontre d'ailleurs Eva Gouel, il se rencontre, je crois, dans une brasserie du boulevard Rochechouart vers 1910. Il est au bras de Fernand Olivier. Et elle sent bien que quand même il se passe quelque chose. À l'époque, Eva Gouel, elle vit avec le peintre Marcus, que Apollinaire a rebaptisé Marcussi. Et elle sent bien qu'il y a un coup de foudre. Et c'est vrai qu'Eva Gouel va avoir une importance dans la vie de Picasso qu'on retrouve vraiment dans son œuvre. Mais enfin, Fernande, enfin, il faut se souvenir qu'en 2004, la National Gallery de Washington a fait une exposition. Il y avait une soixantaine d'œuvres, peintures et sculptures, toutes inspirées. Directement ou indirectement, par Fernande. C'est véritablement elle qui lui redonne le goût à la vie. Enfin, Paris, c'est une naissance ou une renaissance pour Picasso, et ça prend les couleurs, les traits de Fernande, qui a la joie de vivre quand même, hein, elle est très gaie, c'est une sorte de cocotte en charentaise, mais elle a un teint, elle a des cheveux roux, acajou. Des très beaux yeux en amande, enfin Picasso, et la regarde dormir, quoi, et il la peint quand elle dort, il est véritablement amoureux. Alors, je vous propose d'écouter la voix de Fernande Olivier. Elle est interviewée en 1956 pour l'émission Le Bureau des rêves perdus, un très beau titre. C'est une interview assez merveilleuse, vous allez voir. Fernande est alors âgée de 73 ans. Elle est pauvre, elle est malade, elle n'a pas de retraite. Pour gagner sa vie, elle doit garder des petits-enfants. Alors qu'à ce moment, on le sait, Picasso est devenu une star, hein, c'est un milliardaire. Et voilà comment Fernande parle de lui en 1956. Picasso est un homme, vous vous mettez devant lui, il prend son dessin, il commence par le pied, il fait votre silhouette comme ça, de façon admirable. Et ce qu'il faisait me donnait une émotion tout à fait spéciale. Je voyais surtout l'homme que je m'imaginais qu'il était. Un être tout à fait éthéré, spirituel, ce qu'il est d'ailleurs, et bon. Eh bien, il n'était pas bon. Je ne parle pas pour moi, parce qu'avec moi, il a toujours fait ce que j'ai voulu. Il a été merveilleux. Je l'ai quitté, nous sommes séparés, et tous les torts étaient de mon côté. Je comprenais une chose, surtout, qui m'a beaucoup servi, c'est qu'un artiste doit avoir la paix, et ça, je lui laissais la paix. Mais dès qu'il s'agissait d'une petite chose entre les femmes qui venaient chez moi, il faisait la cour à toutes les femmes. Et Max Jacob disait, Picasso donnerait sa gloire de peintre pour une gloire de Don Juan. C'était donc Fernande Olivier en 1956. Quelle femme intelligente. Ouais. On sent son intelligence, on sent sa finesse. Oui, et puis c'est fou comme... sa sensibilité. Elle, pas d'aigreur, et pas mal de lucidité aussi sur cet homme. Elle aime le peintre, elle le comprend, et en même temps, elle ne lui en veut pas plus que ça. C'est elle qui l'a quitté, elle dit. Oui, la bonté, c'est vrai que c'est pas la principale vertu d'homme. Il est pas méchant, et c'est pas un méchant homme, c'est quelqu'un qui voudrait... je crois que c'est Françoise Gillot qui disait à un moment donné... Non, c'est Marie-Thérèse Walter qui disait, oui, son rêve, ça aurait été au fond d'être de vivre dans un château avec toutes ses femmes, plein d'enfants, voilà, je veux dire un harem. Il aime pas faire du mal, il est pas du tout... mais il est emporté par son... Comme je disais, sa volonté de puissance et le principe de plaisir. Alors dans votre livre, Frédéric Fernet, vous écrivez « Parmi toutes ces femmes que Picasso a choisies puis abandonnées, toutes sauf une seront brisées, deux d'entre elles se suicideront après sa mort. » Oui, Marie-Thérèse Walter, qui est pas la dernière femme de sa vie, puisque la dernière c'est Jacqueline, mais Marie-Thérèse et Jacqueline, la dernière femme de sa vie, se suicident. Alors Jacqueline, c'est terrible, c'est vraiment, elle gère toute la succession de Picasso, c'est en partie grâce à elle que donc on a le musée, les œuvres actuellement qui sont exposées au musée, elle a beaucoup contribué à ça, et elle organise une exposition hommage à Barcelone, et le jour même du vernissage, elle se tue. Au revoir. Et Marie-Thérèse, c'est pareil, elle l'a beaucoup aimée, elle apprend la mort de Picasso, on la retrouve pendue dans son garage. Quand je dis c'est un ogre, c'est pas une image, c'est un... Dora Maar aussi a eu un destin assez tragique. Dora Maar, c'est peut-être le seul crime de Picasso. Pourquoi ? Parce qu'il l'a véritablement brisée. C'était une artiste ? Oui, elle est photographe, c'est quelqu'un... Quand elle rencontre Picasso, elle est déjà quelqu'un, elle existe déjà. Bah, Picasso commence à exister aussi. Mais elle va surtout être très importante dans la période par rapport à Guernica. Enfin, c'est véritablement elle qui accompagne... elle se hisse à la hauteur de Picasso au moment de Guernica. Ça a été véritablement un compagnonnage artistique et intellectuel. C'est une intellectuelle. Ils se parlent en espagnol, ils ont une complicité qu'il aura peut-être rarement à ce degré avec ses autres compagnes. Mais oui, il la tue à petit feu, c'est une... Il ne supporte pas la rivalité. Une pièce élisabéthaine qui s'appelle « Une femme tuée par la douceur »,« A woman killed with kindness », c'est un peu ça. Et elle finit tragiquement, enfin bon, elle fait une cure, elle rencontre Lacan, elle fait une cure d'électrochoc, enfin, elle termine à Ménerbe dans une petite maison en Provence. C'est la femme qui pleure, Dora Maar. Fernande, finalement, elle s'en sort pas si mal, malgré cette fin difficile. C'est la joie de vivre, on l'entend, je veux dire, alors que quand on les... Malgré ses difficultés matérielles, la fin de sa vie. Le document que vous avez passé, elle vit dans la misère, elle a pas de retraite, elle est... Et on sent qu'elle est absolument intacte. Elle est intacte, elle. L'histoire que je viens de raconter parle d'amour, mais aussi d'amitié. Picasso a-t-il été plus fidèle en amitié qu'en amour ? Max Jacob, Guillaume Apollinaire ? Alors, les amitiés, oui, Cocteau, on cite toujours Cocteau, Apollinaire, Casagemas, le premier. Enfin, à un moment donné, quand il a sa dépression, c'est vraiment, il se dit, mais tout le monde meurt autour de moi. Je veux dire, il perd sa petite sœur quand il est encore très jeune, adolescent. Il part à Paris avec son ami Casagemas qui se suicide. À un moment donné, il a... Eva Guel meurt pendant la guerre d'un cancer. Il a l'impression qu'on meurt très très vite à côté de lui. Donc, il se sent coupable. Il se sent coupable, oui. Mais en même temps, bon, voilà, il a une ivresse de renaître. C'est un scorpion astrologique. Je crois pas trop à ces choses, mais il paraît que les scorpions, ils ont une aptitude comme ça à renaître. L'ivresse du recommencement. Et c'est vrai que chez Picasso, c'est vraiment ça. Je veux dire, à chaque fois, il meurt, il renaît. Il tombe, il se relève. C'est une force de la nature. Merci beaucoup Frédéric Fernet. Votre livre Picasso amoureux, ainsi que donc plus récemment Rodin amoureux, ont été publiés aux éditions Rabelais. Par ailleurs, je signale que Julie Birman, l'auteur de la fiction, est aussi la scénariste de la BD Pablo aux éditions d'Argo, avec des dessins de Clément Aubry. Et je signale également 3 expositions à Paris, Picasso primitif au musée du Quai Branly et Olga Picasso au musée Picasso, et à Rouen, Une saison Picasso. Autant on emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, bien sûr, podcastée sur notre site franceinter.fr. J'attends également vos commentaires sur la page Facebook de l'émission ou sur le site de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez, par exemple, écouter Berthe Morisot, une femme chez les impressionnistes, Isadora Duncan, la naissance d'une superstar, ou encore l'itinéraire de José Aboulker, jeune résistant algérois, dans 1942, l'opération Torch. La semaine prochaine, en raison du deuxième tour de la présidentielle, il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons donc dimanche 14 mai au programme Le voyage au Congo d'André Gide. C'était en 1925, le célèbre écrivain français part en Afrique avec son amant Marc Allégret. L'escapade amoureuse vers un continent exotique et mythique va se transformer en reportage et amener l'écrivain à une prise de conscience sur la réalité du colonialisme. Le voyage au Congo d'André Gide, c'est dimanche 14 mai dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour État d'esprit. Excellente soirée.